Chérie, s'il nous arrivait quelque chose, comment on ferait pour payer les charges? Les études des enfants? On pourrait protéger notre famille pour moins de 6 euros par mois. Non mais je te parle sérieusement là. Moi aussi. Avec Sécur Famille 2, sécurisez financièrement l'avenir de vos proches en prévoyant le versement d'un capital garanti. Caisse d'épargne, vous être utile. Contrat d'assurance d'essai de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances. Distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS. Cotisation pour un assuré de 35 ans et 30 000 euros de capital garanti en formule optimale. Voir conditions en agence. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de quatre contresens philosophiques initialement diffusés en février dernier. Aujourd'hui, troisième contresens, l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Pendant ses années d'études, le jeune René Descartes rêve d'une science qui proposerait à l'homme des fins à suivre. Et c'est en rêve, justement, des années plus tard, lors d'une nuit d'enthousiasme, qu'il découvre les fondements d'une science admirable. Quelque temps après, en 1637, il publie le Discours de la méthode, dans lequel il expose le chemin à suivre pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Le texte que vous allez entendre se trouve à la fin du Discours de la méthode, et la dernière phrase de ce texte énonce le programme à suivre tant recherché par Descartes et si mal compris par nous autres lecteurs du XXe et du XXIe siècle. Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Bonjour Marie-Frédérique Pellegrin. Bonjour Adèle, bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Et bienvenue sur le chemin de la philosophie, vous êtes avec nous depuis Lyon, où vous habitez et où vous enseignez. Vous êtes maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches à la faculté de philosophie de l'université de Lyon. Vous êtes entre autres spécialiste de la pensée de René Descartes. Est-ce que la phrase que nous avons entendue, il faut essayer de nous rendre comme maître et possesseur de la nature, qu'on trouve dans le discours de la méthode, est-ce qui a pu donner lieu à des projets, notamment le projet musical de Daft Punk, qui, avec ses casques et revendiquant un certain usage de la technique, affirme vouloir aller plus fort, plus loin et plus vite? Alors, j'avais pas pensé à cette filiation, mais elle m'ouvre vraiment des horizons. Je suis tout à fait prête à endosser cette thèse osée. Thèse, je sais pas. C'était plutôt une hypothèse, disons. Non, mais là, ça y est, c'est devenu une thèse. Et effectivement, je vais y travailler pour inventer des preuves la démontrant. Mais c'est vrai que cette phrase, elle a une postérité jusqu'à nos jours effectivement, cette idée d'une maîtrise technique de l'univers, et y compris de l'harmonie musicale, pourquoi pas. Ça ferait tout à fait sens par rapport au fait qu'il y a un lien étroit entre la musique et les mathématiques. Ah oui, ça c'est vrai. Et c'est surtout à la technique que je pensais, notamment avec cette chanson-là, parce que quand on lit, il faut nous rendre maître, comme maître et possesseur de la nature, le comme a une importance décisive, on y reviendra, on imagine justement cet individu, on l'imagine souvent seul, face au monde, essayant de prendre possession du territoire qui l'entoure et de façonner la nature à son image. On y voit une attitude dominatrice. Est-ce qu'on a raison ? Ben c'est vrai que cette phrase a été considérée comme le manifeste de la démesure moderne. Ce concept de démesure, d'hubris, il est ancien et antique, mais ce serait effectivement, ce petit morceau de phrase, ce serait vraiment le symbole de la démesure proprement moderne, c'est-à-dire liée à une révolution scientifique, à une nouvelle considération de ce qu'est la nature et à sa mise au service de l'homme uniquement. Donc, il y a apparemment une démesure. On ne peut pas le nier. Mais effectivement, quand on regarde l'environnement de cette phrase, c'est-à-dire la phrase entière telle qu'elle nous a été lue, le petit comme, l'ambiance générale de l'époque, je pense qu'il y a autre chose à faire de cette phrase. Pour autant, c'est très intéressant que ce soit devenu ce manifeste. C'est-à-dire qu'effectivement, là, Descartes formule quelque chose qu'il considère comme libérateur, et qui pour nous, je pense maintenant, a quelque chose d'un peu angoissant. Oui. Tout de même. Voilà, c'est-à-dire qu'on est passé d'un rêve de libération de l'homme, de tout un tas d'emprises. Il faut se rendre compte de ce que c'est que la science à cette époque, quand Copernic, Galilée, Kepler et Descartes arrivent. C'est un type de savoir qui ne permet pas de construire des choses nous rendant aptes à... dominer la nature sous quelque forme que ce soit. Donc il y a une frustration scientifique. Donc avec ce programme scientifique, il est normal qu'on énonce comme ça d'une manière un petit peu heureuse hein, à l'époque cette nouvelle science et ses applications immédiatement techniques. Donc nous, évidemment, ça, avec le recul, ça n'a plus le même sens. Mais à l'époque, c'est vraiment un programme de libération. Enfin, on va pas être ballotté par des explications approximatives, magiques de la nature. Enfin, on va avoir une maîtrise un peu sur notre environnement. Et de ce point de vue-là, la première nuance que je ferais, c'est de constater que la phrase de Descartes, elle se situe dans une ambiance générale. On trouve la même chose quelques années avant chez Bacon dans le Novum Organum, cette idée que c'est le règne de l'homme, enfin, hein, qui par les arts mécaniques va pouvoir avoir une véritable maîtrise de son environnement. Donc on est dans une ambiance générale, une ambiance heureuse, où on ne subit plus, et là prend place cet extraordinaire petit morceau de phrase. C'est-à-dire que là, on se dit, mais attendez... Là, on tombe dans l'hubris, on tombe dans la démesure. On va être maître et possesseur de la nature elle-même. Et alors, effectivement, ça a quelque chose de libérateur au départ, mais angoissant par la suite. Parce que qu'est-ce que c'est que la maîtrise ? Qu'est-ce que c'est que la possession de la nature ? Et je pense que la première chose sur laquelle il faut se pencher, c'est le fait que quand Descartes dit qu'on va être comme maître et possesseur de la nature, ce qu'il veut dire, c'est que en réalité, on a démystifié la nature elle-même. C'est-à-dire que la science moderne, elle fait s'évanouir la notion de nature. Hein. La nature n'est plus une entité comme ça, puissante, opposée à l'homme, et avec laquelle il essaye de négocier intellectuellement et pratiquement. La nature va disparaître. On va passer de la nature aux lois de la nature. Alors les lois de la nature, c'est des petites choses comme ça, beaucoup plus humbles, et maîtrisées, formées, par l'entendement humain. Et donc cette espèce de mère nature comme ça qui nous entoure et dont les effets sont qualitatifs, sont parfois un peu magiques, tout ça disparaît. Donc on a une forme de réification par la géométrie de l'entité nature, mais qui est au départ quelque chose de rassurant. On n'est plus effectivement dominé. Mais d'autant que je le disais en début d'émission, pour Descartes, ce projet de maîtrise et de fondement d'une science admirable guide tout son travail scientifique et philosophique. Exactement. Et vous avez fait allusion à la nuit des Olympica où, lors de plusieurs rêves, sa vocation philosophique lui est révélée et où il se dit il faut inventer une science totale qui permette de tout comprendre du réel. N'oublions pas que dans ses rêves, il y a aussi le diable qui rôde et qui l'identifie comme justement une forme d'hubris, c'est-à-dire que cette figure lui tend un globe, et ce globe, ça pourrait être le savoir, ça pourrait être l'univers, mais il le refuse parce qu'il se rend compte que ce serait tomber dans la démesure que de croire qu'on va tout comprendre par nos seules forces. Donc dès 1619, en fait, il y a quand même une réflexion sur « attention, on est à l'orée de quelque chose de libérateur et de beau, mais ne tombons pas dans la démesure ». Oui, mais il y a un autre problème qui se pose à l'époque. Aujourd'hui, on lit cette phrase comme étant une sorte de prise de position anti-écologique. Hein. On dirait bah, si on est maître et possesseur de la nature, on peut pas vivre en harmonie avec celle-ci. À l'époque, le problème qui se posait n'était-il pas plutôt d'ordre religieux, se rendre comme maître et possesseur de la nature ? Est-ce que c'est pas se mettre à la place de Dieu, tout simplement ? Exactement. Là, je pense qu'il y a un enjeu très très fort dans cette phrase, qui est l'enjeu théologique. Comment on se situe par rapport, quelle est la part de l'homme, quelle est la part de Dieu ? Parce que on a lu l'extrait tout à l'heure et admirablement lu, parce que les phrases de Descartes sont assez longues et là, on comprenait bien tous les aspects du raisonnement. Vous avez raison, c'était Bernard Gabet, j'ai le plaisir à le citer. Excellent lecteur qui rend Descartes fluide et compréhensible presque immédiatement. Oui. Eh bien, en fait, quand on lit toute cette phrase, il y a vraiment des choses. Donc, il y a un aspect démiurgique. Hein. Ouais. On va connaître les forces et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux. Donc là, vraiment, un aspect démiurgique. Et puis, il y a aussi presque, enfin, quelque chose qui est théologiquement inquiétant. Regardez, on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre. Alors, normalement, depuis le péché originel, on doit peiner pour jouir des fruits de la terre. C'est même la punition divine qui fait qu'on souffre et on peine pour survivre sur Terre. Et donc là, grâce à cette nouvelle science, on ne peinerait plus. Donc il y a quelque chose comme ça qui est quand même, au-delà du démiurgique, presque une libération à l'égard de la sanction posée par Dieu suite au péché originel. Donc ça peut paraître effectivement totalement démesuré. L'homme sort de sa place, se met à la place de Dieu, se prend pour créateur, créature qu'il est. Et donc effectivement, il y a quelque chose là de totalement démesuré. Mais on peut ajouter quand même que au début de la Genèse, on dit bien, Dieu dit bien que on doit multiplier, emplir la terre et soumettre la terre. Donc l'idée de soumission de la nature à l'homme, elle est dans la Genèse elle-même. Bah, je vous propose qu'on l'écoute ce texte, parce qu'il est assez incroyable, on ne l'a pas forcément en tête. Voici donc l'extrait de la Genèse en question. Dieu dit aussi que la terre produise des animaux vivants, chacun selon son espèce, les animaux domestiques, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre selon leurs différentes espèces. Et cela se fit ainsi. Dieu fit donc les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce, les animaux domestiques et tous les reptiles, chacun selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Il dit ensuite, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, à toute la terre et à tous les reptiles qui se remuent sous le ciel. » Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il les créa mâles et femelles. Dieu les bénit, et il leur dit, « Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre, et vous l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et aujourd'hui, comme chaque jour cette semaine, on essaye d'élucider un contresens philosophique après « Connais-toi toi-même » lundi, « L'homme est un loup pour l'homme » hier. Aujourd'hui, on va du côté de Descartes, Descartes qui nous invite à nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Comment faut-il comprendre cette phrase ? En tout cas, ce qu'on comprend, Marie-Frédérique Pellegrin, c'est que, écrivant ceci, Descartes est assez fidèle au texte religieux. Vous avez entendu cet extrait de la Genèse, de 1.24 à 1.28. Il est écrit que Dieu doit commander aux autres espèces, qu'il doit assujettir la nature et la dominer. Le vocabulaire est sans ambiguïté. Oui, donc effectivement, on pourrait dire que c'est Dieu lui-même qui donne cette tâche à l'homme. Donc en fait, il y a une ambiguïté, effectivement. Est-ce qu'il y a des mesures ? Ou est-ce que finalement l'ère moderne ne fait qu'accomplir vraiment la finalité que Dieu avait fixée à l'homme. Si vous le permettez, Adèle, je voudrais ici rappeler une lettre de Descartes de 1647, 10 ans après le discours de la méthode, une lettre à Chanu qui est tout à fait incroyable par rapport à notre objet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une lettre dans laquelle il explique que, certes, les choses sur Terre sont faites pour notre usage, principalement, et certes, c'est ce qui nous est dit dans la Bible, puisque la Bible est écrite pour les hommes, donc il est normal que ce texte explique en quoi les choses autour de nous sont faites pour nous. Mais cependant, dit Descartes, d'abord, on n'est pas obligé de croire que l'homme soit la fin de la création, et il ajoute que peut-être ailleurs dans l'univers, il y a d'autres créatures, et y compris des créatures intelligentes, il parle de créatures intelligentes dans les étoiles, et qui elles aussi sont chéries de Dieu et auxquelles Dieu a assigné des finalités, et donc qu'il protège également. Donc c'est quand même une ouverture dans une lettre de Descartes lui-même à une réflexion sur le fait que l'homme n'est pas le centre de non seulement de l'univers, ça c'est un acquis de la science, mais même peut-être le centre de la création. Et là, on est dans la théologie, et c'est quand même assez étonnant. Et il y a tout un passage sur les prédicateurs où il explique que ce sont les prédicateurs qui nous disent que les choses sont pour nous. Mais c'est parce qu'ils s'adressent à nous. Et donc, vous voyez, il y a une espèce de relativisme ici, que j'appellerais épistémologique, et qui permet, ou Descartes lui-même, finalement, revoit sa formule du discours, l'affine, par rapport à justement ce que découvre la science. C'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que ce à quoi ouvre cette science, c'est à la fin d'un monde clos pour un univers infini, comme dit Coiré, et du coup, eh bien, effectivement, on doit repenser le texte biblique par rapport à ça, et cette idée de soumission ne prend pas le même sens, puisque, en réalité, il est possible que tout ne soit pas fait pour nous. Donc, la science moderne est propre à nous décentrer, à nous faire sortir de l'anthropocentrisme, que, au contraire, cette formule paraît thématisée. Donc, vous voulez dire qu'ultérieurement, après le discours de la méthode, Descartes aurait atténué ce qu'il écrit dans cette phrase et dans ce texte ? Je pense pas. Je pense que, en fait, c'est la même chose, mais vu d'un point de vue différent. C'est-à-dire que, en fait, dans la formule, dans la grande phrase où se trouve la formule comme maître et possesseur de la nature, les enjeux sont pas des enjeux de démesure, d'anthropocentrisme extrême, comme on le pense souvent et comme la postérité l'a souvent réutilisé, s'est saisi de cette formule pour faire de Descartes un espèce de monstre de la technique où tout est réifié et tout est lié à la seule utilité de l'homme. Si on lit bien toute la formule, effectivement, il y a quelque chose de joyeux et d'un peu démiurgique, mais il y a aussi des limites. C'est très programmatique. C'est très programmatique, hein. C'est pas pour demain. C'est-à-dire que dans la phrase de Descartes, c'est ouvrir vers un avenir meilleur. À l'époque, vous vous rendez compte, comme on souffre, aller chez le médecin, c'est vraiment engager sa vie, enfin, donc, parce qu'il insiste beaucoup sur la médecine et la santé dans cette phrase. Donc, y a l'idée d'un avenir meilleur, mais d'un avenir très lointain, auquel il appelle toutes les forces vives à contribuer, parce que c'est un projet collectif. C'est ça qui est intéressant aussi, dans la sixième partie du discours de la méthode. C'est-à-dire que jusque-là, c'est quand même une autobiographie intellectuelle, c'est comment je me suis convertie à la philosophie, pourquoi c'est bien, quel est mon programme. Et puis petit à petit, Descartes, qu'on décrit toujours comme quelqu'un d'extrêmement auto-centré, parce qu'il considère qu'il faut tout refaire soi-même, tout redémontrer soi-même, etc., etc. Eh bien, là, cinquième et sixième partie, on a une ouverture à une communauté de chercheurs, à l'idée que c'est un projet collectif, un projet à très long terme, où il faut des artisans pour nous aider, il faut des sous pour mener à bien des programmes scientifiques. Je crois qu'on en est toujours là. Oui, les réclamations là, ça n'a pas changé. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que les gens se convertissent. Il faut créer de l'enthousiasme. Et c'est comme ça que j'explique cette phrase, moi. C'est-à-dire que c'est moins une espèce de mégalomanie qu'un enthousiasme pour dire, ben voilà le chantier des modernes. hein, ne plus subir la nature, la comprendre, la maîtriser. C'est ça. Et il faut quand même rendre justice à la phrase dans chacun des mots qui composent cette phrase. Beaucoup de professeurs en terminale insistent d'ailleurs sur ce mot, le comme. Il ne faut pas se rendre maître et possesseur de la nature, il faut nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Est-ce que cette formulation n'exprime pas en elle-même le positionnement juste qu'il faut adopter en tant qu'être humain par rapport à la nature? C'est une comparaison, c'est une hypothèse au fond, non? Exactement. C'est-à-dire que, en fait, ce comme, il change toute la tonalité de l'expression. Voilà le modèle, voilà ce vers quoi on veut tendre. Mais on n'est pas maître et possesseur de la nature, bien entendu. Mais il faut faire comme si on pouvait l'être pour découvrir le plus de choses qui jusque-là étaient considérées comme des secrets de la nature. Mmh. En fait, l'idée, c'est que la nature n'a pas à porter des secrets. Donc, à nous, intelligences humaines, de comprendre comment agissent les éléments naturels, hein, au travers de lois. Et donc, le COM, effectivement, il montre que nous avons un modèle. Mais évidemment, un modèle, c'est pas fait pour être atteint, c'est fait pour guider. Et je pense que cette formule est beaucoup moins démesurée qu'elle n'y paraît au premier abord. N'oublions pas que finalement, que dit-il ? Il dit certes, voilà, le feu, l'air, l'eau, etc. Mais il dit juste après, comme on le voit dans le métier des artisans. C'est-à-dire que, en fait, c'est comprendre les choses telles qu'elles se font, telles qu'elles se fabriquent. On reproche beaucoup à Descartes cette phrase en faisant quelqu'un qui a pensé une espèce de biotechnologie possiblement totalitaire. Mais est-ce qu'il faut pas revenir à la phrase elle-même qui nous dit s'inspirer des divers métiers des artisans, c'est-à-dire fabriquer des choses, tout simplement. Fabriquer des outils, des machines, on est à la grande époque des télescopes et des microscopes. Enfin, je veux dire, tout ça, ça accroît la maîtrise de la nature sans forcément déboucher sur un pouvoir totalitaire et sur cette entité naturelle. Donc, oui. Bien sûr que dans sa présentation, il assume un lien extrême entre savoir et pouvoir. Hein, c'est-à-dire que dès l'instant où on connaît les choses, on les soumet d'une certaine manière, on les possède. Mais c'est dans une ambiance intellectuelle, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne veut plus subir. Oui. On ne veut plus subir le réel, on veut le comprendre. Reste que l'ambivalence demeure, pour aller dans votre sens et dans le sens du contexte dans lequel écrit Descartes. Je rappelle cette citation de Bacon, hein, Francis Bacon, que vous citiez il y a un instant. Il dit « Les secrets de la nature se révèlent plutôt sous la contrainte des expériences que lorsqu'ils suivent leur cours naturel. » On a là encore l'idée d'une intervention humaine qui, par le biais de la science, viendrait résoudre tous les secrets de la nature. Et finalement, ces attitudes-là, ces phrases-là, ce comportement-là à l'égard de la nature, qui est sans doute ce qui a pu donner lieu aux inventions, aux découvertes scientifiques que nous avons aujourd'hui. C'est aussi donc ce qui va inquiéter toute une partie des chercheurs, des philosophes et des scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Et je pense notamment à Heidegger qui, au XXe siècle, fait de la technique et de cette phrase de Descartes le début justement d'une déchéance de l'être humain qui, par la technique, ne peut qu'exister qu'en aliénant son humanité. Et il est difficile, alors peut-être que vous pouvez lui donner tort, mais on comprend comment cette attitude-là, dans ce contexte-là, peut aussi être lue comme étant le début non seulement d'un désenchantement du monde, mais aussi d'une forme de déchéance d'une certaine humanité. Oui, absolument. Donc là, effectivement, après Descartes, va se développer cette interprétation-là, et Heidegger en est un très bon exemple. Donc, en fait, je pense que pour faire droit à cette phrase, pour lui faire justice, il ne faut pas non plus nier ses aspects négatifs. C'est-à-dire que, comme toujours, on ne peut pas accuser un auteur de choses qui du réchauffement climatique. On ne peut pas accuser Descartes du réchauffement climatique, pas directement. Vous voyez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'effectivement, Heidegger, au milieu du XXe siècle, il a le recul d'une technicisation à outrance, et il peut ensuite symboliquement dire c'est de la faute de Descartes. Mais dans le projet cartésien, enfin, donc du coup, moi, je suis pour une lecture internaliste de ce point de vue-là, afin de, ouais. De dégonfler un petit peu le sens de la phrase. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse utiliser cette phrase, ne serait-ce que par son aspect frappant, pour dire c'est un symbole, malgré l'auteur, en quelque sorte, c'est un symbole de quelque chose, d'un rapport technique au réel qui nous réifie nous-mêmes. Ça, je l'entends tout à fait. Donc, j'ai pas envie ici de défendre Descartes à tout va. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une volonté d'un rapport technique à la nature, mais qui justement, ce qui me paraît intéressant chez Descartes, est penser intellectuellement. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie de la technique, mmh. et elle est très importante dans le discours de la méthode, parce qu'effectivement, ce rapport à la technique, ce rapport aux artisans, n'oublions pas que dans l'arbre de la philosophie, les trois principales branches sont la médecine, la morale et la technique, et la mécanique. Donc, c'est ce rapport technique au réel est fondateur et très important. Oui, d'autant que la technique en elle-même n'est pas ontologiquement mauvaise, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Pour aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, je propose d'écouter un autre texte de Descartes. Alors bon, il se rend pas service à lui-même, et ça vous fait du travail, Marie-Frédérique Pellegrin, parce que c'est sans doute un autre contresens, quelque chose qui est retenu contre Descartes. Il compare les animaux à des machines. Je regarde comme une chose démontrée qu'on ne saurait prouver qu'il y ait une pensée chez les bêtes. Il y a moins de probabilité pour que tous les vers, les moucherons, les chenilles et le reste des animaux soient doués d'une âme immortelle que pour qu'ils se meuvent à l'imitation des machines. D'abord, parce qu'il est certain que dans les corps des animaux, comme dans les nôtres, il y a des os, des nerfs, des muscles, du sang, des esprits et d'autres organes disposés de telle sorte que par eux-mêmes, sans aucune pensée, ils puissent produire tous les mouvements que nous observons chez les bêtes. Ensuite, parce que du moment que l'art est un imitateur de la nature et que les hommes peuvent fabriquer des automates variés dans lesquels, sans aucune pensée, se trouve le mouvement, il semble conforme à la raison que la nature produise aussi ces automates, mais qu'il l'emporte de beaucoup sur les produits de l'art, à savoir toutes les bêtes. Les autres arguments qui retire la pensée aux bêtes, je les passe sous silence, pour être bref. Je voudrais cependant indiquer que je parle de la pensée, non de la vie ou de la sensibilité. Je ne refuse la vie à aucun animal, car je crois qu'elle consiste dans la seule chaleur du cœur. Je ne lui refuse même pas la sensibilité, dans la mesure où elle dépend d'un organe corporel. Je regarde comme une chose démontrée qu'on ne saurait prouver qu'il y ait une pensée chez les bêtes. Voilà qui aggrave le cas Descartes. Non seulement il serait un anti-écologiste, hein, puisqu'il appelle à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, mais en plus il appelle à l'exploitation de la nature, mais il semble dans ce texte aller jusqu'à justifier ce qu'on pourrait appeler une sorte de maltraitance animale. Marie-Frédérique Pellegrin, aidez-nous. Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'il explique que justement les animaux ont une sensibilité. Oui, je ne refuse même pas la sensibilité. Ouais. La maltraitance animale est tout à fait exclue. Hein. Vous savez que Descartes avait un chien qui s'appelait Monsieur. Donc là, moi, je trouve ça extraordinaire. Mmh. C'est-à-dire au moment où il refuse toute pensée aux animaux, son propre chien, ça porte un nom tout à fait humain, enfin un qualificatif tout à fait humain. Non, pas du tout de maltraitance animale, mais une réflexion, alors là, qu'on doit remettre dans le contexte d'une opposition à l'aristotélisme et à Montaigne également. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réflexion sur l'animal qui est constante chez Descartes, puisqu'il s'intéresse à la physiologie depuis toujours, mmh. et qu'il a écrit beaucoup de traités médicaux. Et que donc, il s'est beaucoup intéressé aux animaux, bien entendu. On dit souvent que au cours de ses nombreux déménagements, parce qu'il a un petit peu, il a beaucoup, beaucoup bourlingué en Hollande, pendant ses 20 années en Hollande, il prenait toujours des logis proches du quartier des bouchers pour être livré en morceaux à disséquer. Hein. La dissection, l'anatomie, c'est vraiment un art fondamental, évidemment, pour comprendre la nature animale. Donc, il s'est beaucoup intéressé aux animaux, et en fait, il y a deux choses qui l'animent ici. C'est d'une part, effectivement, éviter Le discours montagnien, c'est-à-dire l'idée que au fond il peut y avoir plus de différences d'homme à homme que d'homme à animal, hein, qu'il y aurait un continuum comme ça de l'homme à l'animal, et l'animal penserait comme nous on pense, même s'il n'y a pas de langage commun qui permet de le savoir. C'est ce que dit Montaigne. Donc, oui, c'est-à-dire que chez Montaigne, en fait, les animaux ont leur pensée et il n'y a pas de frontière bien nette entre l'humain et l'animal. Et d'ailleurs, souvent, les écologistes aiment beaucoup Montaigne alors qu'ils détestent Descartes pour cette raison. Mais pour Descartes, il importe de dire que l'homme est un animal tout à fait à part de par sa raison et de par sa pensée. Donc, d'abord, il y a une volonté de se distinguer de Montaigne. Il y a également une volonté de se distinguer de la tradition aristotélicienne dans laquelle l'âme est principe de vie. Et donc, les animaux ont des âmes. Et ça, c'est complètement anti-chrétien, c'est impossible pour un chrétien. Et donc là, Descartes, d'une certaine manière, n'est pas très original en disant que les animaux n'ont pas d'âme. Après, il y a une réflexion très poussée sur le corps animal, puisque là, il est en bien des aspects proche du corps humain dans ses mécanismes. Et de ce point de vue-là, l'homme n'a pas de caractéristiques différentes de celles de l'animal. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que je peux raisonner sur un veau comme sur un être humain. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'au fond, la théorie de l'animal-machine qu'on lui reproche, elle va dans ce projet d'être comme maître et possesseur de la nature, c'est comprendre d'abord notre nature. On n'a pas encore assisté à Adèle sur le fait que le premier projet de Descartes, c'est pas une biotechnologie totalitaire. Le premier projet de Descartes, c'est qu'on aille chez le médecin en toute sécurité et qu'on ressorte mieux, en meilleure santé qu'on est entré. Et c'est un gros programme à l'époque. Il veut guérir. C'est-à-dire que la première manière de posséder la nature, c'est de posséder, de maîtriser sa propre nature, c'est-à-dire de ne pas souffrir, oui. de pouvoir prolonger la vie. Le grand projet de Descartes, dit-il, c'est si on avait une véritable médecine, on vivrait jusqu'à 100, 120 ans. Et donc, en fait, ce qui nous empêche d'être heureux, c'est la physiologie, c'est notre mécompréhension de la physiologie. Donc, il faut comprendre que le projet de Descartes, hein, on a dit les trois branches principales de la philosophie, il y a la médecine dedans, et c'est quelque chose qui l'a obsédé toute sa vie. Maîtriser sa propre nature, avoir une nouvelle science du corps, un nouvel usage de l'esprit grâce à la méthode, voilà ce qui est présenté dans le discours de la méthode. C'est-à-dire que je vais comprendre mon corps. On me propose une méthode pour guider mon esprit. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, je suis maître et possesseur de la nature et de ma nature d'abord. Et donc, c'est cette médecine cartésienne, oui. Elle est fondamentale. Mais comment cette médecine peut-elle être pensée par Descartes qui insiste, enfin là encore c'est peut-être aussi un lieu commun, vous allez nous dire, sur ce qu'on appelle le dualisme, il y aurait le corps d'un côté et l'esprit ou l'âme de l'autre, même si dans son traité sur les passions il montre qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, la médecine aujourd'hui ne se comprend plus justement sans ce lien entre le corps et l'esprit. Dans une perspective mécaniste du corps, la médecine est réduite à un métier de technicien qui viendrait huiler l'organisme, non ? C'est-à-dire que là, vous ne proposez pas une objection, vous allez dans le sens d'un certain Descartes, parce que au fond, chez Descartes, il y a une science du cerveau. Donc, on pourrait dire, moi je ne le pense pas, mais on pourrait dire que, après tout, certains de ses disciples matérialistes, tels Régius, ont eu raison. C'est-à-dire que pourquoi parler d'une âme alors qu'on peut disséquer des cerveaux, et ça nous donne les neurosciences, c'est-à-dire que on peut tout à fait dire qu'il y a un lien, une filiation intellectuelle possible entre Descartes et les neurosciences actuelles. Au fond, le physiologique peut s'expliquer de manière mécanique, et de ce point de vue-là, on n'a plus besoin de l'âme pour soigner les gens. Un psychiatre va prescrire des médicaments, c'est-à-dire des composés chimiques qui vont aider à se sentir mieux. Alors après, il y a d'autres courants qui disent, il y a quelque chose qui s'appelle l'âme. Un psychanalyste ne prescrit pas de médicaments. Parce que ce qui est atteint, c'est pas seulement le cerveau, la psyché, c'est autre chose. Alors, pour revenir à, donc, on pourrait déjà dire que finalement, au fond, ce programme, il est réalisé et développé encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ne serait-ce que d'analyser le plus finement possible nos organes donne une maîtrise incroyable de l'être humain entier. Mais ça, c'est pas du vrai Descartes, parce que en effet, vous avez raison, Descartes c'est un dualiste, c'est pas un matérialiste, c'est pas un moniste matérialiste. Donc, l'interaction entre l'âme et le corps va le préoccuper dans toute la dernière partie de sa vie. Ça commence à la fin des méditations métaphysiques. Hein, comment se fait-il que, par exemple, l'expérience du membre fantôme. Comment est-ce que je peux avoir mal dans un membre qu'on m'a coupé? Qu'est-ce que c'est que cette c'est pas directement du physiologique. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc toutes ces expériences du corps un peu biaisées montrent que le rapport entre l'âme et le corps est une dimension fondamentale de la médecine cartésienne. Et donc ça, il va le creuser dans la correspondance avec Élisabeth de Bohême, puis dans Les Passions de l'âme. Et là, c'est merveilleux de détails et de complexité. C'est-à-dire qu'effectivement, les interactions entre l'âme et le corps viennent complexifier les remèdes aux maux. C'est tout à fait frappant, notamment dans la correspondance avec Élisabeth. Élisabeth de Bohême est quelqu'un d'assez maladif. Elle se décrit comme mélancolique, nous on dirait sans doute dépressive, et elle a énormément de soucis dans la vie. Des frères qui font un peu n'importe quoi, qui se convertissent au catholicisme, qui s'enfuient avec des maîtresses, enfin énormément de soucis domestiques. Et donc, que nous on n'éprouve pas du tout évidemment, c'est un peu mortel, puisqu'on n'est pas des princesses. Donc, elle a beaucoup de soucis, et comme elle a demandé à Descartes d'être son médecin, hein, dans leur première lettre, elle lui dit qu'il doit être son médecin, et bien du coup en fait, y a entre eux des échanges sur « mais je peux avoir mal au corps et ça impacte sur l'esprit, mais je peux avoir une souffrance psychique et ça, ça correspond à des choses somatiques ». Donc vous voyez, ces liens entre le corps et l'esprit, ben, ils font partie des choses dont on doit découvrir la possibilité d'une maîtrise. Hein. Cette maîtrise et possession de la nature, moi je la lis d'abord comme une maîtrise et possession de notre nature, puisque juste après, il évoque le principal but qui est la conservation de la santé. Voir guérir ma femme, j'y comptais pas. Mais avec les recherches, le progrès, je croyais quand même qu'on allait trouver quelque chose. On sait comment la maladie évolue, mais on ne sait pas la guérir. Mais surtout, je voulais vous dire, le jour où on est allé vous voir pour la première fois, vous vous souvenez, on sortait de chez le docteur Jardin. Ma femme, elle n'en pouvait plus. Elle s'était mise à pleurer comme je ne l'avais jamais vue pleurer. Elle lui avait dit, « Docteur, faites quelque chose. » Et il avait répondu, « Madame Desoulières, je ne peux plus rien pour vous. » C'est là que ma femme a dit, « On va aller voir le nouveau docteur. » Ma femme vous a tout raconté, et moi, comme elle, on a bien vu que vous étiez choqué par ce qu'avait dit le docteur Jardin. Vous avez dit, je m'en souviendrai toute ma vie, quelle que soit la maladie, on peut toujours faire quelque chose. Et quand on est parti, elle allait mieux. Elle a marché jusqu'à la voiture sans que je la soutienne. Et pendant 15 jours, je ne l'avais jamais vue comme ça depuis le début de sa maladie. Elle a repris courage, elle souffrait moins. Elle a même cuisiné plusieurs fois. Et j'y ai cru, vous savez. Et elle aussi. Je voulais vous dire que ces 15 jours-là, elle vous en a toujours été reconnaissante. Et moi aussi. René Descartes, tel un médecin, tel le médecin dans ce film La maladie de Saxe, hein, le film de Michel Delleville qui date de 1999, qui comprend que les soins de l'âme sont indispensables aux soins prodigués au corps, et bien René Descartes lui-même va chercher à développer pour améliorer la santé des hommes, une forme de science qui n'est peut-être pas sans lien avec sa philosophie. Au fond, ce que vous dites, Marie-Frédérique Pellegrin, c'est que Descartes est un philosophe, mais c'est aussi un médecin qui cherche à proposer des remèdes. Absolument, c'est quelque chose, encore une fois, qui est au centre de ses réflexions depuis le début, puisque en 1633, quand Galilée est condamné et que du coup Descartes renonce à publier son grand ouvrage de physique. Dans ce grand ouvrage de physique, il y a un fameux chapitre 18 qui s'appelle « De l'homme » et dans lequel il présente toute sa physiologie. Hein, donc ses recherches sont déjà très avancées en ce domaine. Et encore une fois, il les poursuit tout au long de sa vie. Il n'est jamais satisfait. Pour lui, c'est l'objet essentiel. Il y a beaucoup de choses philosophiquement qu'il faut régler avant. Poser une métaphysique, trouver des lois physiques, trouver une symbolisation mathématique qui permette un usage beaucoup plus aisé des mathématiques. Tout ça, Descartes l'a fait. Mais le but, malgré tout, reste constamment la compréhension de soi comme composé psychophysiologique. Et toute sa carrière est jalonnée de manuscrits médicaux qui montrent un intérêt absolument constant pour cette maîtrise bien particulière de la nature qui est la maîtrise de notre propre nature. Donc, il n'y a pas de différence entre le philosophe et le médecin chez Descartes. Hein. Mmh. C'est un même arbre de la philosophie. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est effectivement ne pas être ballotté par la nature autour de moi grâce à des objets techniques, hein, être en bonne santé et avoir une vraie morale qui me permette un usage des passions qui ne soit pas éloigné de la nature humaine, qui ne soit pas trop strict comme celui des stoïciens, qui ne soit pas trop relâché comme celui des sceptiques libertins. Et donc, à ce moment-là, je suis un être épanoui. Donc, vous avez noté dans la phrase où apparaît l'expression comme maître et possesseur de la nature qu'il se distingue de ce qu'il appelle la philosophie spéculative. Mmh. Et qu'il parle de sa philosophie comme une philosophie pratique. Je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Ouais. La philosophie cartésienne est une philosophie pratique. Nous, on est obsédé par les méditations métaphysiques. Et quand il y a le mot métaphysique, on se dit ça va pas être pratique. ça va être spéculatif. Mais Descartes est mort un peu jeune et il était là en train de construire une morale définitive avec les passions d'âme, ça commence, et d'aller vers les branches de son arbre. Donc, je trouve qu'en 1637, première œuvre philosophique publiée, je veux une philosophie pratique et non pas une philosophie spéculative, il y a quand même un programme intéressant et novateur. Oui, mais on s'en est complètement éloigné de ça. Aujourd'hui, la philosophie est tout à fait distincte de la recherche scientifique, de la médecine. On a peut-être réduit la recherche philosophique à quelque chose de spéculatif, justement. Alors, effectivement, ça a été thématisé notamment par Arendt, hein, effectivement, ce décrochage entre la science et la philosophie à l'époque contemporaine, à l'époque de Descartes, c'est indissociable. Et souvent, en fait, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce projet du discours de la méthode? C'est-à-dire, c'est quand même d'abord, effectivement, le récit de sa propre conversion. Il y a quelque chose d'un peu antique. Pourquoi devenir philosophe? Pourquoi c'est le meilleur type de vie? On est presque dans une interrogation socratique, hein, ouais. Quelle vie choisir? Et donc, dans une figure du sage. Mais en même temps, le sage est un savant. Et de ce côté-là, on est plutôt du côté des présocratiques. C'est-à-dire qu'on va produire, on veut produire une étude périphuséos sur la nature entière. Et je trouve que donc, dans ce projet cartésien, là, la figure du sage et la figure du savant, la figure socratique et la figure des présocratiques, c'est-à-dire que il faut mener les deux de front. Et oui. Ça, en effet, on l'a perdu. Ouais. Non, allez-y. On l'a perdu. Oui, on l'a perdu. Non, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas tout simplement devenu médecin. Pourquoi la philosophie est-elle utile dans ce cas? Est-ce que c'est un désaveu de la médecine elle-même? Tout comme la médecine est peut-être un désaveu de la philosophie qui se passerait de médecine? Bah parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il manque de moyens et il manque de temps. Et la médecine, il y a beaucoup de lettres où on voit une frustration de ne pas trouver, de ne pas avoir ce qu'il faut pour chercher. Finalement, les méditations métaphysiques, c'est plus simple. Hein. Vous vous mettez dans une chambre, vous fermez, vous faites un bon feu. En robe de chambre. En robe de chambre avec quelques provisions. Et puis, vous êtes face à vous-même et vous mettez une grande pancarte, ne pas déranger. Alors que la psychophysiologie, il faut disséquer, il faut de l'anatomie, il faut des aides, hein, des bouchers, des assistants qui vous aident, etc. Donc, bien souvent dans ses lettres, Descartes dit « oui, je veux pousser plus loin ces recherches, mais je manque de moyens, je manque de temps ». Et puis surtout, c'est un monde qui s'ouvre. Enfin, je veux dire, réformer la vision de l'organisme, c'est quelque chose d'énorme à achever, hein. Et du coup, alors toutes les découvertes sont bienvenues, hein. Regardez le temps qu'il passe dans le discours de la méthode à nous expliquer la circulation sanguine et son adhésion à la thèse de Harvey. Oui. C'est curieux quand même qu'il y ait quand même plusieurs pages comme ça, hyper techniques, pas dans les essais, puisque le discours de la méthode, c'est quand même un texte qui doit être accueillant, ou dit Descartes dans une lettre à Vatier, même les femmes doivent pouvoir comprendre quelque chose, c'est dire. Grand prince. Il faut pas, voilà, il ne faut pas que ce soit trop technique. Et pourtant, il faut quand même qu'il y ait un programme. Il faut que, quand même que les gens savent, le lectorat sache que là, on a un programme global de compréhension de la nature. Et du coup, parfois, il y a des petites choses plus techniques qu'il tient à conserver dans cet ouvrage qui est plutôt un ouvrage d'accueil et un ouvrage généraliste. Donc, à mon sens, ça montre que c'est constamment présent à son esprit, que de toute façon, le philosophe raisonne aussi sur le corps, sur le corps et l'âme, et sur l'âme. Voilà, c'est un tout. Mais que cherche-t-il vraiment lorsqu'il invite l'être humain à se rendre comme maître et possesseur de la nature, tout comme lorsqu'il l'invite, peut-être les savants de son temps, à essayer de pratiquer la philosophie de manière pratique, justement, de manière concrète? Est-ce qu'il cherche à réduire la douleur ou à, par exemple, éloigner la mort? Parce que c'est pas la même chose. Vivre en bonne santé et vivre le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'il craint le plus? Je pense que c'est le double programme de Descartes. L'un avec l'autre, c'est-à-dire que il a la douleur à partir du moment où le corps est un ensemble de mécanismes, hein, ça réduit les performances du corps et donc forcément ça va hâter la mort. Donc le programme est double et je crois qu'il ne faut pas choisir entre les deux. C'est pas une alternative pour Descartes. Et peut-être est-ce l'occasion de rappeler une expérience qui a souvent été racontée, enfin pas une expérience, c'est quelque chose que lui a vécu. Avec des pincettes, parce qu'il faut toujours être un peu sceptique par rapport au recours à la biographie pour expliquer ce qu'on trouve dans le travail d'un philosophe. Descartes a fait l'expérience de la mort de sa fille Francine alors que celle-ci avait 5 ans. Et il dit que c'est l'événement le pire auquel il a fait face lorsqu'il était vivant. Est-ce qu'il faut expliquer comme ça son envie de guérir et d'atténuer la douleur et de retarder la mort? Alors, certains ont fait cette analyse. C'est possible. J'ai pas de thèse particulière là-dessus. Parce que évidemment les lettres dans lesquelles il se réfère à sa fille c'est souvent des allusions, etc. Même si il a bien expliqué là de manière très explicite la douleur qu'il avait ressentie à sa mort. Mais ce serait peut-être l'occasion, Adèle, de partir du côté de la science-fiction, parce que il y a une anecdote certainement fictive, mais qui m'a toujours un peu fascinée suite à cet événement. C'est-à-dire que on raconte, alors c'est bien postérieur à la mort de Descartes, hein, 1650, c'est en 1699 qu'apparaît pour la première fois une anecdote sur Descartes expliquant que, en fait, suite au décès de sa fille chérie, il aurait créé un automate qu'il appelait Francine, et avec lequel il se baladait tout le temps, qu'il ne quittait jamais. C'était le prénom de sa fille, mais cette histoire est tellement glauque. C'est quand même étonnant. Et qu'il se promenait avec cet automate, et qu'un jour où il fait une traversée en bateau, le capitaine du bateau voit l'automate bouger, prend peur et le balance par-dessus bord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, je pense que c'est un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire que est en train de se créer le mythe. Alors, on a l'automate, donc on a la technique. L'automate qui mime l'humain et un usage délirant de notre maîtrise de la nature, puisque je vais créer une espèce de poupée à l'effigie de ma fille morte. Donc là, je crois que dès la fin du XVIIe, il y a quelque chose qui se crée, qui est assez angoissant, c'est-à-dire que effectivement, on peut, par la technique et par la maîtrise de la compréhension mécanique des choses, créer des artefacts, des androïdes, et que Descartes, en fait, était bien représentant de cette tentation-là, alors qu'il y a là, pour le coup, effectivement, proprement démiurgique, c'est-à-dire que la créature prétend créer une autre, former une autre créature. Donc, cette anecdote me paraît totalement apocryphe et fantaisiste, mais peu importe. Parce qu'elle montre que dès la fin du XVIIe siècle, et on va retrouver cette histoire de l'automate Francine chez Gaston Leroux, chez Anatole France, dans des animés comme Ghost in the Shell, c'est-à-dire du manga japonais en dessin animé actuel. On va retrouver cette anecdote de l'automate Francine jusqu'à nos jours. Et donc ça montre bien que cette réputation d'un Descartes technicien, mais avec un côté maléfique, délirant et démesuré, est en train de se construire. Oui, mais ça veut dire que tout le monde n'était pas prêt à entendre ce qu'il avait à dire. C'est d'un côté, il est représentatif d'un contexte scientifique, de l'autre, il brusque tout un autre contexte ou une autre partie de la population qui n'est pas prête. Oui, de toute façon, les résistances à la science moderne en général, elles sont extrêmes et dans tous les domaines particuliers où elles se déploient. Donc, mais là encore, je trouve intéressant que Descartes soit un symbole de ça, parce que comme on le disait tout à l'heure, au fond, il n'est pas le seul à proclamer voilà cette maîtrise de la nature, etc. Et ce que je regrette, je dis pas qu'il y a un aspect démiurgique, mais ce que je regrette, c'est que on insiste uniquement sur la démesure et on n'insiste pas sur le caractère heureux et libérateur de la formule d'aujourd'hui. Mmh. Alors que c'est exactement ce qu'on trouve dans le domaine de la médecine. Justement, si on applique tout ce qu'il dit au domaine de la médecine, tout le monde sera d'accord. À moins, évidemment, d'imaginer que cette formule franchisse des limites éthiques aujourd'hui, hein, se rende comme maître et possesseur de la nature, qu'on tombe dans une espèce de dystopie où les humains seraient complètement trafiqués, un peu comme dans Bienvenue à Gattaca, par exemple. Ça, c'est un des travers auxquels on pense aujourd'hui. Absolument. Et qui est conforté par des petits passages où il explique qu'il pourrait y avoir des créatures dans les étoiles ou des créatures intelligentes dans les étoiles, etc. Ou à ce contexte quand même de la fin du XVIIe qui va augmenter avec le XVIIIe siècle de développement des automates. Donc effectivement, n'oublions pas que par exemple le mot androïde date du XVIIe siècle hein, sous la plume de Gabriel Naudet qui est un libertin érudit. Et donc il y a effectivement cette idée qu'on pourrait créer des images de l'homme est déjà envisagé et permet effectivement des développements dystopiques. Mais bon, les dystopies, c'est bien fait pour nous expliquer les écueils de ce que de toute façon on fera. De toute façon, la science ne s'arrête jamais. Donc effectivement, c'est à nous de réfléchir éthiquement sur ces conséquences. Mais on ne peut pas arrêter la science et c'est ça que veut dire la formule de Descartes, me semble-t-il. Un dernier mot en 30 secondes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est plus du côté du contresens de la pensée de Descartes que de la bonne interprétation? Parce que quand on parle d'esprit cartésien, quand on fait de Descartes, parce que le portrait qu'on en a fait aujourd'hui pour essayer de montrer en quoi il était faux, ou en tout cas il n'était pas vraiment juste, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les lectures, les contresens au sujet de Descartes dominent? Alors, je ne dirais pas contresens, mais je dirais réduction. Ouais. Il ne faut pas réduire Descartes à la méthode rationnelle. Il y a une réflexion sur les passions, sur la sensibilité, sur l'amour, sur le composé psychophysiologique qui sont très détaillés et très fouillés. Donc, il faut nuancer notre Descartes, pas renier notre Descartes rationnel et le Descartes du bon sens, mais le complexifier. Merci beaucoup Marie-Frédérique Pellegrin de nous avoir parlé de Descartes ce matin. Je renvoie à vos ouvrages qu'on mettra en ligne sur le site des Chemins de la philosophie et j'ai plaisir à le citer, c'était en 2020, Les pensées du corps et différences des sexes à l'époque moderne, Descartes, Cureau de la chambre, Poulain de la barre et Malebranche, un livre publié aux éditions de l'ENS. On se quitte en chanson comme chaque jour, Champion Jack Dupri. I'm a doctor for women, I don't fool around with men. I'm a doctor for women, I don't fool around with men. You don't believe I'm a doctor? I got the remedy right here in my hand. My office hours, woman, 1:12 midnight to the dawn of day. My office hours, woman, 1:12 midnight to the dawn of day. You don't believe I'm a good doctor? I can move all your misery away. You don't believe I'm a good doctor? Ask anybody in the neighborhood. You don't believe I'm a good doctor? Ask anybody in the neighborhood. one treatment from this doctor. Everybody say it do them good. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le regard et la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour cher Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question du jour, la voici. Bourdieu n'est-il qu'un héritier de Hegel? Alors, le charme et la limite de la pensée sociologique, c'est qu'elle est sans échappatoire. Pierre Bourdieu est ainsi le seul auteur dont plusieurs personnes m'ont dit qu'il avait radicalement changé leur vision du monde, expérience qu'ils associaient souvent à leur rastignacienne montée à Paris, mais qui ressemblait tout aussi bien à une conversion. Tout était désormais pour eux limpide et compréhensible. Quel autre système de pensée offre une telle ampleur d'intégration des phénomènes, une telle densité heuristique ? Il est jusqu'à la raison solitaire, orgueilleuse, qu'il finit par faire tomber comme le plus vulgaire des instruments de la classe dominante. La sociologie, une fois ses dernières limites atteintes, devient une sociologie critique. Elle n'a plus, comme la raison de Kant, de véritable extériorité, puisque tout est sociologique pour elle. Il ne lui reste alors, maintenant qu'elle l'a convertie, plus qu'à sauver le monde. C'est à peu près là où nous en sommes dans l'histoire de la sociologie. Malgré les réticences un peu archaïques de Manuel Valls, pour qui expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser, ou les réticences plus ambiguës de Victor Stokowski, qui a récemment montré dans La science sociale comme vision du monde, Émile Durkheim et le mirage du salut, que la sociologie relevait bien, à son corps défendant peut-être, de la pensée eschatologique. Le monde, quand il sera entièrement remis aux sociologues, entièrement sociologisé, pourra enfin devenir bon, être purifié du péché originel de l'habitus, se confondre avec un paradis émancipateur. Mais la sociologie aurait alors cessé d'être elle-même et serait devenue cet autre qu'elle dénonce depuis le commencement, l'autre incomplet, menteur et parasite de la pensée religieuse ou magique. Et partie pour dénoncer les concepts faux de l'esprit, la sociologie serait devenue elle-même, pris à son propre piège, le seul esprit du monde. Et est-ce que vous pouvez être un peu plus concret, Aurélien ? Alors, comme je savais que vous alliez dire ça, je vais être excessivement concret. En janvier dernier, pris d'une intuition subite, je me suis dit qu'il fallait de toute urgence que je me procure les 3 études sur Hegel d'Adorno. Il n'y avait qu'une seule librairie parisienne qui les avait, les Cahiers de Colette, et je suis bravement monté au moyen d'une échelle en haut à gauche du rayon philosophie. Je portais à cette époque une magnifique doudoune rouge Uniqlo, mais pas du tout étanche, et comme il pleuvait à verse ce jour-là, les pages du livre d'Adorno se sont collées entre elles, et il m'a fallu en quelque sorte plus de 6 mois pour les décoller. Oui, ça fait beaucoup. C'est rien par rapport au siècle et demi qu'il a fallu aux philosophes pour réussir à décoller les pages de Hegel et pour y comprendre enfin quelque chose. Bon alors, et qu'est-ce qu'on y a compris ? Que Hegel, c'est la révélation d'Adorno, révélation néanmoins préparée par Marx, inaugure tous les paradoxes désormais bien connus de la pensée sociologique, à commencer par le plus pernicieux d'entre eux, l'incapacité qu'on a, une fois le système explicatif posé, d'en plus jamais ressortir. L'hegelianisme est de l'ordre du piège intellectuel parfait, c'est un système sans extériorité possible, un système incritiquable, en tant qu'il n'est pas autre chose que sa propre critique. La dialectique étant, dit Adorno, l'effort imperturbable pour faire se confondre la conscience critique que la raison prend d'elle-même avec l'expérience critique des objets. Il en découle notamment que le système de Hegel n'a ni début, ni fin, ni fondement quelconque. L'esprit n'est pas la recollection des phénomènes, mais quelque chose qu'Adorno, après Marx, résume au travail social, une eschatologie concrète et toujours recommencée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Bourdieu ? Pas directement, bien sûr, mais l'idée que le sociologue sociologise pour désociologiser le social rappelle bien Hegel et sa phénoménologie de l'esprit comme science totalitaire et paradoxale de l'émancipation de l'esprit par lui-même. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter sur le site des Chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Laure Blanqui, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isberg qui s'occupe également du site internet que je vous invite à aller regarder. Vous y trouverez beaucoup de références bibliographiques, les références musicales, les extraits diffusés aujourd'hui des films, etc. et des citations de l'invité. Nicolas Berger réalise cette série d'émissions pour vous. À la prise de son aujourd'hui, c'était Olivia Arnay. À la lecture des textes, Bernard Gabet. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour des contresens philosophiques. Demain, on commentera une phrase, la banalité du mal, prononcée par Arendt et si mal comprise. Ce sera Martine Lebovici qui viendra en parler en studio. D'ici là, vous pouvez réécouter ces émissions, les télécharger, les podcaster sur iTunes, sur Spotify, grâce à l'application Radio France. Vous avez beaucoup de manières de le faire pour pouvoir les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est ravis de vous y lire. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.